إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue aujourd'hui dans le cours numéro 6 de l'explication du livre شرح فضل الإسلام. شرح فضل الإسلام c'est le شرح du Cheikh Saleh Al-Fawzan de ce livre. Et on est arrivé donc au chapitre où le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit « Babun tafsiru al-Islam » Tafsiru al-Islam, c'est-à-dire l'explication de l'Islam. Qu'est-ce que c'est l'Islam? On a mentionné au dernier cours des versets et des hadiths à ce sujet. Et là, on va continuer. Inch'Allah, il reste encore quelques hadiths, deux hadiths à lire dans ce chapitre. Le Cheikh, il dit, maintenant, il mentionne un hadith, il dit, وعن بهز ابن حكيم بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن يسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة رواه أحمد. Donc le cheikh, il mentionne ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad dans sa Musnad. Selon Bahz ibn Hakim, selon son père, selon son grand-père, que son grand-père, donc le grand-père de Bahz ibn Hakim, a demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de l'islam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en disant que l'islam c'est de soumettre ton cœur à Allah et de tourner ton visage vers Allah et de faire les prières obligatoires et de donner la zakat obligatoire. Ça c'est la façon dont il lui a expliqué qu'est-ce que c'est l'islam. Donc on a plusieurs hadiths et dans chaque hadith on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui pose la question qu'est-ce que c'est l'islam, il mentionne différents aspects de ce qu'implique être un musulman et de ce qu'implique l'islam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on va lire l'explication de ce hadith maintenant dans les paroles du Cheikh Al-Fawzan. Le Cheikh Al-Fawzan dit « هذا معقول من قوله صلى الله عليه وسلم » الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة. فذكر هنا أهم أركان الإسلام وهي الشهادتان إقام الصلاة كما جاء في حديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أو فترد وترد في فقرائهم. فذكر أهم أركان الإسلام الخمسة وهي هذه الثلاثة. Donc le cheikh explique que le hadith qu'on a lu, qui est rapporté par l'imam Ahmed, Na'am, c'est fermé. C'est fermé de l'extérieur, de l'autre côté, par l'autre côté. C'est ça. Je crois que c'est ouvert, mais je ne suis pas certain. Taïr, Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh il dit, on peut comprendre que les paroles qui sont mentionnées dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, hein, on peut le comprendre des paroles qu'on a lues dans les hadiths précédents. Quand on a lu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué l'islam en disant que l'islam c'est de témoigner de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, et que tu établisses la salat. Donc ici, il a mentionné les deux premiers piliers. Il dit donc là ici, il mentionne dans ce hadith ici, il a mentionné les deux premiers piliers. Il a mentionné premièrement de soumettre notre cœur à Allah, de tourner notre visage vers Allah. Donc ça implique la signification de la ilaha illallah aussi, et de faire la salat obligatoire et de faire la zakat obligatoire. Ça c'est les trois premiers piliers. Hein. Donc ici, le cheikh il dit que il a mentionné les piliers les plus importants de l'islam, c'est-à-dire al-shahadatan et l'établissement de la salat. Comme c'est mentionné dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen. Il l'a envoyé pourquoi? Pour faire la da'wah, hein, aux gens du livre, et pour les appeler à l'islam, et aussi pour leur enseigner l'islam, et pour être juge parmi eux. Et donc ça nous, en même temps, juste en passant, c'est une note pour faire comprendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'envoyait pas des groupes nécessairement pour faire la da'wah. Il envoyait même parfois un seul homme. Un seul homme, mais quelqu'un qui a du ilm, quelqu'un qui a de la science. Contrairement à certains groupes aujourd'hui, comme Jama'at al-Tablir par exemple, qui envoie des groupes partout dans le monde pour faire la da'wah soi-disant, mais la majorité, quand ils sortent, ils n'ont pas étudié l'islam. Et donc quand ils vont, soi-disant faire la da'wah, ils appellent les gens sans connaissance et sans science. Et ça a amené quoi? Ça a amené que lorsque même ils vont dans les pays musulmans comme au Pakistan ou en Inde, hein, et même juste à côté de leur centre, leur quartier général en Inde, le quartier général d'établir, juste à côté il y a une mosquée où il y a une tombe à l'intérieur. Et depuis des années, ils sont là juste à côté, ils n'ont jamais appelé ces gens-là à abandonner le shirk et à cesser d'adorer ces tombes. Donc ça c'est pour dire comment quelqu'un va faire la da'wah s'il n'a pas appris sa religion, s'il n'a pas appris les bases de son islam, et s'il n'a pas appris les fondements de la sunna, et s'il ne peut pas distinguer entre le soufisme et la sunna et l'islam. Donc s'il n'est pas capable de distinguer entre qu'est-ce que c'est l'islam et qu'est-ce que c'est le soufisme, qu'est-ce que c'est la sunna et qu'est-ce que c'est la bid'ah, comment il va appeler les gens à l'islam? C'est pas possible. Donc ça c'est un exemple. Mu'adh ibn Jabal, un seul homme, mais c'est un savant de l'islam. Et quand on parlait de Mu'adh ibn Jabal, qu'est-ce qu'on disait? On disait « A'lamu l'umma bil halal wal haram ». C'était le plus savant de la umma en ce qui concerne les questions de ce qui est halal et de ce qui est haram. Hein? Et il a dit donc que la première chose à laquelle tu invites ces gens auxquels tu t'en vas, auxquels tu vas parler au Yémen, que la première chose à laquelle tu les invites soit de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Si, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, s'ils te répondent à ça, alors enseigne-leur et dis-leur que Allah leur a ordonné de faire 5 prières par jour durant le jour, de faire 5 prières durant le jour et la nuit. Hein? De faire 5 prières durant le jour et la nuit. C'est-à-dire, il y a 5 prières en tout. Certaines sont le jour, certaines sont durant la nuit. Et s'ils te répondent à cette ordre, à faire les 5 prières, là ensuite tu vas leur apprendre que Allah leur a ordonné de donner la zakat, de leur donner une sadaqa. Et cette sadaqa, elle est prise de ceux d'entre eux qui sont riches pour être donnée à leurs pauvres. Donc ça c'est les plus importants parmi les cinq piliers de l'islam, c'est les trois premiers piliers. Et des fois, c'est pour ça qu'on mentionne dans certains hadiths, on mentionne uniquement les trois plus importants parmi les piliers. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui reviennent le plus souvent. C'est ceux qui reviennent le plus souvent, c'est-à-dire la salat et la zakat, puis aussi le jeûne du ramadan. Ça, c'est les piliers qui reviennent. La prière, c'est tous les jours. Le shahada, on le dit plusieurs fois par jour. La salat, on la fait plusieurs fois par jour. La zakat, on la donne une fois par année. Le jeûne, une fois par année. Hein, le jeûne du ramadan, une fois par année. Et le hajj, c'est juste une fois dans la vie. Donc, ça revient pas souvent. Hein. C'est pour ça que parfois il n'est pas mentionné. Ensuite, le cheikh il mentionne un autre hadith. An Abi Qilaba, an Amr ibn Abi Abbasah. An Amr ibn Abbasah. An Rasul Allah. Attends. An Abi Qilaba. An Amr ibn Abbasah. عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام قال أن تسلم قلبك لله عز وجل أن تسلم قلبك لله عز وجل ويسلم المسلمون من لسانك ويدك قال أي الإسلام أفضل قال الإيمان قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. Donc le cheikh ici il mentionne un autre hadith. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Un autre hadith rapporté selon Abi Qilaba, selon Amr ibn Abbasah, qu'un homme selon un homme de la Syrie, selon son père, que qu'il a demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que c'est l'islam? Alors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu, et il a dit, c'est que tu soumettes ton cœur à Allah, et que les musulmans soient épargnés de ta langue et de ta main. Que les musulmans soient épargnés du mal que tu fais avec ta langue et avec ta main. Et, l'homme a demandé ensuite, et lequel de ces éléments de l'islam est le meilleur? Il a dit, c'est al-iman. Le meilleur des éléments de l'islam, c'est al-iman, c'est la foi. Et l'homme a demandé ensuite, et qu'est-ce que al-iman? Qu'est-ce que c'est la foi? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en la résurrection et en la résurrection après la mort. Le cheikh Al-Fawzan il explique ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad et par l'imam Abdul Razak dans Al-Musannaf. Il dit وقوله أن تسلم قلبك لله هذا كما في الآية قل أسلمت وجهي لله كما في قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله فهذا فيه إخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه وهذا هو أساس الإسلام ويسلم المسلمون من لسانك ويدك كما مر في الحديث المسلمون المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قال أي الإسلام أفضل قال الإيمان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل جعل الإيمان فوق الإسلام وأخص. Donc le cheikh il explique ça, on va commencer par l'explication ici, il dit de soumettre ton cœur à Allah, ça signifie quoi? Ça signifie, comme Allah subhanahu wa ta'ala ici dans le verset 20 dans surat Ali Imran qu'on a mentionné au début du cours dernier, c'est-à-dire que comme Allah subhanahu wa ta'ala dit فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ, c'est-à-dire dit, alors dit que je soumets mon visage à Allah. Je soumets mon visage à Allah. Hein? Et Annie, quand tu dis que tu soumets ton visage à Allah, la chose la plus importante qui compose un être humain, c'est quoi? C'est son visage. C'est là qu'il y a toute son expression, toute tous ses, ses sens, c'est là qu'il y a ses yeux et tout. Donc, quand il se prosterne, il prosterne son visage, il le met par terre. Donc, quand il soumet son être, hein, il soumet son, son visage à Allah subhanahu wa ta'ala, ça, ça implique quoi? Comme dans le verset 112 dans Surat al-Baqarah, « Bala man aslama wajhahu lillah » Certes, celui qui a soumis son visage à Allah, c'est-à-dire, il a fait preuve de pureté et yani de sincérité dans son adoration d'Allah. Et il a abandonné l'adoration de tout ce qui existe en dehors d'Allah. Hein, ça c'est la base de l'islam. C'est ça la signification de soumettre notre cœur à Allah. Maintenant, et que les musulmans soient épargnés du mal que tu fais par ta langue ou par ta main, ça on l'a expliqué dans le hadith quand on a lu le hadith au dernier cours. Le musulman, c'est celui dont les autres musulmans sont épargnés du mal de sa langue et de sa main. Et également, la suite, lorsque l'homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lequel des éléments de l'islam est le meilleur, et il a mentionné al-iman, la foi. Parce que dans le hadith de Jibril, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, il a expliqué que al-iman, c'est un degré au-dessus de l'islam. C'est quelque chose de plus particulier par rapport à l'islam. Ok? Al-Iman, c'est un degré plus haut. Après le Cheikh, il dit, قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله. الحديث. وهذه كما في حديث جبريل المتقدم تسمى أركان الإيمان. فكما أن الإسلام له أركان، فكذلك الإيمان له أركان. والإيمان أوسع من الإيمان. والإيمان أوسع من الإيمان والإيمان له مكملات فكذلك الإيمان له أركان والإيمان أوسع من الإيمان ici je ne sais pas si c'est une erreur parce qu'il dit oui c'est ça probablement qu'il veut dire que l'islam أوسع من الإيمان والإيمان له مكملات واجبة ومستحبة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فالطاعات كلها من الإيمان القولية ومن القولية منها والفعلية ليس الإيمان هو التصديق بالقلب فقط كما يقول المرجئة بل الإيمان نطق باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح donc le Cheikh explique ça il dit que quand l'homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce que c'est l'Iman il lui a répondu c'est que tu crois en Allah premièrement en Allah puis en les piliers de la foi qui sont mentionnés dans le hadith de Jibril qu'on a mentionné précédemment. On appelle ça les piliers de la foi. De la même manière qu'il y a des piliers également pour l'islam. Il y a 5 piliers de l'islam et il y a 6 piliers de la foi. Dans ce hadith, il en a mentionné seulement 5. Mais il y en a 6. Et ça, c'est comme ça souvent, on mentionne 5 piliers de la foi dans le Coran. Parce que Al-Qadar, il est mentionné dans certaines narrations et dans certains versets, Al-Qadar est mentionné tout seul, il n'est pas mentionné avec les 5 autres piliers. Toutefois, comme Cheikh Ibrahim Ar-Rahim l'expliquait justement dans le charf que j'étais en train d'écouter tout à l'heure, il mentionnait que la raison pour laquelle il est mentionné des fois à part, c'est que Al-Iman bil-Qadar, ça fait partie de Al-Iman billah. De croire en Al-Qadar, ça fait partie de croire en Allah, ça fait partie du Tawhid. Donc c'est pour ça que parfois, il n'est pas mentionné avec les autres piliers. Wallahu a'lam. Donc le Cheikh, il dit ici que, donc il y a des piliers pour la foi comme il y a des piliers pour l'islam. Et, فَذَلِكَ الْإِيمَانَ لَهُ أَرْكَانَ فَكَذَلِكَ الْإِيمَانَ لَهُ أَرْكَانَ De même que la foi, elle a des piliers, comme on l'a dit. Et il dit que, الْإِيمَانَ أوسع من الإيمان. Ici, comme je disais tout à l'heure, je crois que ça c'est une faute parce que ça voudrait dire que la foi elle est plus large que la foi. Et c'est pas ça la signification. Probablement, qu'est-ce qu'il veut dire, c'est que l'islam il est plus large que la foi. Dans le sens qu'il englobe un sens plus général. Comme on a dit tout à l'heure, al-iman c'est un degré plus élevé. Donc quand les ulama, ils mentionnent par exemple les degrés de l'islam, ils mentionnent souvent trois cercles qui sont, il y a le petit cercle, un autre cercle plus grand, puis un autre cercle qui englobe les deux premiers cercles. Le premier cercle, c'est le cercle de l'islam, ou bien plutôt, le plus petit cercle c'est al-ihsan, le moyen c'est al-iman, puis le troisième c'est al-islam. L'islam il englobe le tout, mais al-iman c'est un autre degré, donc on peut dire que le plus large il englobe tous les musulmans en général. Ensuite il y a al-iman, ça c'est une catégorie plus restreinte parce qu'il y a moins de musulmans qui atteignent ce degré-là et qui ont une foi plus grande. Et ensuite, il y a le troisième degré, c'est al-ihsan, qui est un degré encore plus élevé. Donc, souvent, c'est comme ça qu'on le mentionne ou qu'on l'explique. Et donc, l'islam, il est plus large que al-iman, dans ce sens-là. D'accord? Et, bien entendu, quand on lit le hadith de Jibril, il y a la distinction entre al-iman et entre al-islam. Et al-islam, c'est expliqué par les cinq piliers qui sont les actions du corps, hein, et al-iman, ce sont les actions du cœur, qu'est-ce qui est à l'intérieur. Donc c'est un degré plus élevé. Et ça ne veut pas dire que quand on parle de al-iman, ça ne veut pas dire que quand on parle de al-islam, il n'y a pas d'iman dedans. Celui qui est musulman, il faut absolument qu'il ait la base de la foi. C'est-à-dire que si quelqu'un, il est musulman, il faut qu'il ait la base de la foi, c'est-à-dire qu'il croit en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en les jours derniers, en la prédestination, et ainsi de suite. Donc ça, c'est les piliers de la foi. Toutefois, quand est-ce que quelqu'un devient un vrai mu'min, c'est quand il commence à développer sa foi, il commence à travailler sur sa foi, il commence à appliquer les actes de la foi pour que sa foi augmente. Et donc ça c'est pour distinguer entre la signification qu'on explique ici, la foi, l'iman et l'islam, la distinction entre les deux. Quand on les mentionne ensemble dans le même hadith, alors un c'est les actes physiques et l'autre c'est les actions du cœur. Quand on les mentionne dans deux hadiths séparés, dans deux versets séparés, alors un implique l'autre. Quand on dit musulman, ça implique le mu'min, et quand on dit le mu'min, ça implique le musulman. Ça implique l'un l'autre. Quand ils sont mentionnés dans deux hadiths séparés. D'accord? Donc ça, en tout cas, ça c'est un rappel pour vous, parce que vous avez déjà étudié ça dans d'autres cours, et que ici par contre il y a une petite erreur, probablement une erreur de frappe. Je vais retourner à l'audio pour vérifier s'il n'y avait pas la correction de ça. Donc le cheikh il dit, la foi, elle a des choses qui viennent la parfaire. Il y a des choses qui viennent parfaire la foi. Parmi ces choses-là, il y en a qui sont obligatoires, et parmi elles, il y en a qui sont recommandées. D'accord? Donc, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué la foi en disant qu'elle est composée de 70 ou 60 et quelques branches. Et que la plus haute d'entre les branches de la foi, c'est la parole de la ilaha illallah. Et la plus basse des branches qui composent la foi, c'est d'enlever quelque chose qui nuit sur le chemin. Et la pudeur ou la timidité, ça fait partie de c'est une des branches parmi les branches de la foi. Ça c'est un hadith qui est apporté sur Abu Huraira par Al-Bukhari et Muslim. Donc, tous les actes d'adoration qu'on fait, ou tous les actes d'obéissance qu'on fait, font partie de la foi. hein, elles font partie de la foi. Parmi ces actions-là, il y en a qui sont obligatoires, et parmi ces actions-là, il y en a qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont recommandées, et tout ça, c'est des choses qui viennent parfaire ton niveau de foi. Hein, plus tu en fais, plus ta foi devient complète et parfaite. D'accord? Et donc, le cheikh dit donc les actes d'obéissance qu'on fait, que ce soit des paroles ou des actions, tout ça, ça fait partie de la foi. Et il dit que la foi, c'est pas uniquement une reconnaissance du cœur ou de croire dans notre cœur seulement. Comme le disent certaines sectes, comme la secte des Murji'a par exemple, eux, ils prétendent que la foi, c'est juste de croire en Dieu dans notre cœur. Comme si tu peux rester là comme ça, tu pratiques rien de la religion, puis tu fais tous les péchés, puis tu as quand même la foi. Ils disent non, la foi c'est dans le cœur. Et puis, tu peux avoir la foi même si tu ne pratiques rien. Et donc, ça c'est une fausse compréhension de la signification de la foi. Parce que la foi dans l'islam, c'est trois choses. C'est composé de trois choses. Une parole de la langue, une croyance du cœur et une action qu'on fait avec le corps. Ces trois choses-là sont ce qui est ce qui est la foi. Et donc, s'il manque une de ces trois choses, la foi, elle n'est pas complète. Hein? Il n'y a pas de foi du tout parfois, selon qu'est-ce qui manque. Ensuite, le cheikh, il mentionne un autre point, babun, un autre chapitre. قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. Donc il dit quiconque cherche autre que l'islam comme religion, elle ne sera pas acceptée de lui. Hein? Ça c'est le verset 85 dans sourate Ali Imran. On en a parlé dans les points précédents, mais là on le ramène encore une fois parce que le cheikh il va expliquer un point bien spécifique maintenant. Le cheikh Al Fawzan il dit هذا الباب فيه بيان أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي لا يقبل الله من أحد سواه. الإسلام هو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام في كل وقت بحسبه، ولكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. Le cheikh explique que dans ce chapitre, le cheikh il veut expliquer que la seule religion que Allah va accepter, la seule religion que Allah subhanahu wa ta'ala va accepter, c'est l'islam. Il ne va pas en accepter aucune autre en dehors de celle-ci. Et l'islam, c'est la religion que tous les messagers ont amenée. Et c'est-à-dire qu'ils sont tous venus avec l'islam, mais chacun à son époque, yarhamukallah, chacun venait à son époque avec ce qui correspondait à l'islam pour son peuple ou pour l'époque où il était envoyé. Hein, mais toujours, bien entendu, avec la base de l'islam qui est la ilaha illallah. Sauf que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, qui est le dernier des messagers, l'islam est devenu ce que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a amené. Ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a amené, à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, l'islam c'est devenu ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a amené. Hein? Donc maintenant, on peut pas dire par exemple que qu'est-ce que les chrétiens pratiquent aujourd'hui c'est l'islam. On peut pas dire que qu'est-ce que les juifs pratiquent aujourd'hui c'est l'islam. On peut pas dire ça. Parce que, à partir du moment où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu, tout ce qui existait auparavant comme pratique religieuse et comme révélation précédente a été abrogé. Donc c'est plus considéré comme étant maintenant valable comme pratique religieuse ou comme application, mais maintenant c'est l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est valable seulement et qui est accepté. D'accord, donc, et ça c'était, c'est parce que c'est le dernier message et c'est la dernière révélation que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé. Le cheikh il dit فالإسلام معناه الانقياد لله بالطاعة والبراءة من الشرك وعبادته حسب ما شرع في كل وقت. أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه صار الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه صار الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولا يسع أحدا أن يخرج عن طاعته صلى الله عليه وسلم حتى الأنبياء السابقين. لو وجد أحد منهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسعه أن يخرج عن طاعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Donc le cheikh explique, il dit que l'islam, la signification de l'islam, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala par notre obéissance à Allah et de se désavouer du shirk, et d'adorer Allah selon la législation qui correspond à l'époque du messager dans lequel on est. Et après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'islam c'est devenu ce que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a amené. Donc, personne après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a le choix de sortir de son obéissance. Même les autres prophètes qui sont venus avant, ils n'ont pas d'autre choix que de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si jamais il y avait un d'entre eux qui était vivant à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas eu d'autre choix que de suivre et d'obéir au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans surat Al-Imran, les versets 81 et 82, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a pris, et lorsque Allah a pris le pacte avec les prophètes, de ce qu'il leur a donné de livres, de ce que je vous ai donné de livres et de sagesse, puis lorsque vous vient un messager, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui vient confirmer ce qui est avec vous, que vous allez croire en lui et que vous allez le défendre et le supporter. Et il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, est-ce que vous acceptez ça et vous prenez mon entente et mon pacte que vous allez faire ça, c'est-à-dire que vous allez croire en lui et que vous allez le défendre, si jamais il vient, alors ils ont dit « aqrarna », c'est-à-dire on accepte cette entente et ce pacte. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « alors, soyez témoins et je suis avec vous parmi les témoins ». Et quiconque se détourne après cela, alors ceux-là seront les pervers. Ensuite, donc, le cheikh dit, فبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم انتهت الأديان السابقة وانتهى العمل بها ووجب العمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر لله جل وعلا وليس الأمر لشخص معين ولا للأهوى والشهوات والرغبات، فالله أمركم وأمر الأنبياء كلهم أن يطيعوا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا بعث، حتى عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه سيتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو كان أخي موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني، فالذين يدعون في هذا الزمان أن اليهودية والنصرانية والإسلام كلها أديان صحيحة وينكرون علينا تكفير اليهود والنصارى لأنهم عندهم على أديان صحيحة ويتبعون الأنبياء، هؤلاء نقول لهم كذبتم، هم الآن لا يتبعون الأنبياء، فلو كانوا يتبعون الأنبياء نتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. الشيخ dit que le prof, que après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toutes les religions précédentes sont abrogées, sont terminées. Hein, on n'a plus le droit de les appliquer. Et il est obligatoire d'appliquer et d'agir selon ce que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ça. Et c'est pas quelqu'un qui a le choix de décider ou d'ordonner ce qu'il veut, selon les passions et les désirs, hein, et les intérêts, non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ordonne. Et il ordonne aux prophètes, à tous les messagers, d'obéir au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il vient. Même Isa alayhi salam, lorsqu'il va venir à la fin des temps, il va être obligé de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il va juger selon la charia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme c'est mentionné dans la musnad de l'imam Ahmad, il dit que si mon frère Moussa alayhi salam était vivant, il parmi vous, il n'aurait eu d'autre choix, ça n'aurait pas été permis pour lui, excepté de me suivre moi. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il explique clairement que même Moussa alayhi salam, il n'aurait pas eu de choix dans la question de suivre, yani, de le suivre lui et de suivre sa charia. Donc ça c'est une réponse en même temps à ceux qui, par exemple, qui disent que les religions, comme le cheikh il dit, les religions, il y en a qui prétendent aujourd'hui que le judaïsme et le christianisme et l'islam sont toutes des religions qui sont correctes. Le cheikh il dit, il nous critique et il nous condamne ou il parle contre nous parce que nous on dit que les juifs et les chrétiens sont des kuffars et que leur religion est fausse. Eux, ils considèrent qu'on a tort de dire que ce sont des kuffars, et ils considèrent que leurs religions sont des religions vraies et qu'ils suivent réellement les prophètes. Alors ceux-là, on leur dit, vous avez menti, hein, vous êtes des menteurs. Parce que ces gens-là ne suivent pas réellement leurs prophètes. S'ils suivaient réellement les prophètes, ils auraient suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et justement à ce sujet-là, hein, il y a les groupes de rapprochement interconfessionnel aujourd'hui, comment ils font, ils appellent les rapprochements entre les différentes religions, les chrétiens, les juifs, les musulmans. Et il y en a des individus comme ça, j'ai remarqué, surtout les ikhwan, à notre époque, c'est eux qui se concentrent là-dessus. Tous ceux qui veulent, par exemple, soi-disant, ils veulent se faire passer pour des musulmans modérés, et ils veulent passer devant les koufars comme étant des gens qui sont ouverts et qui sont pour le dialogue, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont avec les groupes qui appellent, à, par exemple, au dialogue entre les croyances, entre les fois, entre les religions, et puis ils participent avec eux à leurs activités, hein, pour se faire passer pour des modérés. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est de la ruse, et que c'est du mensonge, et que c'est la corruption de la religion. Et comme Cheikh Al-Fawzan l'a expliqué dans une fatwa qu'il a faite à ce sujet-là, au sujet du rapprochement entre les religions, puis du dialogue entre les religions, comme ils le disent, hein, ou l'unification des religions, il a dit, c'est pas permis à un musulman d'aller dans un endroit, dans un dialogue ou dans une association, dans une assemblée, où les gens s'approuvent tous mutuellement sur leur fausseté. C'est-à-dire que toi tu es musulman, tu t'en vas là-bas, il y a des juifs, il y a des chrétiens ou d'autres religions aussi, et puis chacun dit à l'autre, oui vous êtes correct. On n'a pas le droit, nous, en tant que musulmans, d'aller dans ces endroits-là et de participer à ce genre d'activité-là. Hein? Parce que ça implique quoi? Ça implique qu'on approuve le shirk et le kouf des gens d'égarement. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ça, c'est pas permis. Donc, si on va pour faire un dialogue avec les koufars, les mouchriquins, les juifs et les chrétiens, pour les appeler au tawhid, pour dénoncer le shirk qui est dans leur religion, pour montrer les erreurs qu'ils ont dans leur croyance, pour les ramener à la vérité, pour leur réfuter leur shubuhat, Oui, dans ce cas-là, c'est correct et c'est permis si on est capable de le faire. Mais si c'est juste pour aller s'asseoir avec eux puis dire, hein, je te flatte dans le dos et tu me flattes dans le dos, et on est des amis et on s'aime, hein, vous êtes correct et nous aussi on est correct et tout le monde est correct, dans ce cas-là, c'est pas permis. Hein. Et il y en a des individus à Montréal qui participent à ces choses-là, et le pire, ils mettent ça après sur YouTube, hein, et ils invitent les gens à les regarder et les écouter. Puis là, tu le vois, hein, on lui donne, un musulman, il va là-bas, il se présente comme représentant des musulmans, on lui donne quoi, 10-15 minutes pour parler de l'islam, donc il court à 100 000 à l'heure pour expliquer en 10 minutes qu'est-ce que c'est l'islam, après, il donne la parole à une juive, qui commence à parler de sa religion, puis à expliquer qu'est-ce qu'elle croit de la religion, de sa religion. Après, un chrétien, un prêtre chrétien qui vient et qui commence à faire la même chose. Et puis après, tout le monde est content, tout le monde s'aime, hein, tout le monde est ensemble, et puis tout le monde s'en va après par la suite, chacun de son côté. Est-ce que c'est ça la da'wah? Est-ce que c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait quand il a appelé les gens, les Bani Najran ou les autres, les gens du Yémen ou les autres régions, quand il les a appelés à l'islam, quand il a envoyé les lettres aux différents rois des différents pays pour les appeler à l'islam, est-ce que c'est de cette manière-là qu'il a fait? Est-ce qu'il leur a dit tout le monde est correct, tout le monde est correct, tout le monde peut faire ça? Non. Yani, subhanallah, il y en a même un d'entre eux, qu'est-ce qu'il fait? Quand il parle de l'islam, il dit, et le Concile du Vatican II, dans le Concile du Vatican II, le pape Jean-Paul II a dit que il dit en 1974 ou quelque chose comme ça, l'Église catholique a accepté que le Dieu des musulmans c'est le même Dieu que le Dieu des chrétiens puis le Dieu des comme si il utilise les paroles des chrétiens comme une sorte de confirmation ou les paroles du pape ou du Concile Vatican pour soi-disant prouver ou justifier aux chrétiens que notre Dieu qu'on adore c'est le même que leur Dieu à eux. Est-ce qu'on a besoin, nous, de la confirmation de ces gens-là pour savoir que le Dieu qu'on adore, c'est le Dieu qui a créé l'univers, qui a créé les cieux et la terre? Hein? Et ça, c'est étrange de procéder de cette manière-là. Et le pire dans ça, c'est que c'est comme si tu places les chrétiens au-dessus maintenant des musulmans et de l'islam. Et non seulement ça, tu passes à côté du fait que ces gens-là, ils adorent un être humain, ils adorent des êtres humains, ils adorent Jésus, ils adorent Marie, ils adorent les saints, ils adorent les croix, les images et les statues. Ils n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc leur Dieu, c'est un Dieu qui est trinitaire, hein, un Dieu de Trinité, trois en un, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que ça c'est le Dieu de l'islam? Est-ce que c'est ça notre Dieu? Non. Alors comment tu peux dire qu'ils ont le même Dieu que nous, ou on a le même Dieu qu'eux? Il faut clarifier, il faut expliquer que le vrai Dieu, c'est le Dieu que Isa adorait, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam adorait, que Abraham, Jacob, Isaac, Noé, Moïse et tous les messagers d'Allah adoraient, ils adoraient tous ce Dieu-là. C'est le seul, l'unique, le créateur des cieux et de la terre, le pourvoyeur, le maître, le créateur, celui qui, hein, qui contrôle tout, c'est lui qu'on adore, c'est pas aucun autre en dehors de lui. Donc, on n'a pas besoin des chrétiens pour confirmer ça ou prouver ça, mais d'avoir cette attitude-là, Allah musta'an. Et le pire, c'est qu'il pense que c'est de cette manière-là qu'il va faire venir des gens à l'islam. Hein? Mais c'est grave. Hein? Et il y a ça, puis il y a beaucoup d'autres choses aussi à mentionner à ce sujet-là. Comme par exemple, de toujours insister sur la douceur. Hein, la douceur, il n'y a pas de doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté sur la douceur. Et il a dit, la ya'ti al-lin fi shay illa zana. Que la douceur, elle n'est pas mise dans quelque chose excepté qu'elle la rend belle, qu'elle l'embellit. Et dans un autre hadith, يعني le prophète صلى الله عليه وسلم dit إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. Allah سبحانه وتعالى il donne par la douceur ce qu'il ne donne pas par l'agressivité ou par la violence. Donc c'est pour dire que c'est vrai qu'il faut être doux et qu'il faut insister sur la douceur, mais il faut aussi comprendre que il y a des contextes et des situations et des milieu, et il faut être sage et utiliser la sagesse. Et c'est-à-dire savoir quand il faut être doux et savoir quand parfois il faut utiliser de la dureté et de la fermeté, hein, pour expliquer ou clarifier ou prendre une position. Et c'est pas uniquement d'être doux sans faire de distinction entre les différentes situations. Sinon, yani, ça devient yani inhumain, c'est pas naturel, ça devient une sorte de mise en scène de douceur que tu fais, comme les prêtres chrétiens qui parlent toujours à voix douce pour essayer de prouver qu'ils sont doux, alors que c'est des loups, hein. Donc c'est pas la façon dont tu le montres, hein, tu montres que t'es doux, c'est pas faire semblant d'être doux, c'est d'être doux de cœur. Et il y a des fois, comme il y a des sahaba, comme par exemple Omar ibn Khattab radiallahu anhu, hein, il avait une voix forte, et quand il parlait fort, hein, comme Aïcha radiallahu anha, elle a dit à propos de Omar, hein, il a takallama asma, quand il parlait, il se faisait entendre, il parlait fort, hein, mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas doux, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre les choses dans leur perspective, et qu'il y a des moments pour être doux, il y a des moments pour être ferme et pour être clair aussi, hein. Et en même temps aussi la khutba, c'est un moment où par exemple on est en train d'exhorter les croyants et de leur faire un rappel, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilisait cette énergie, cette force qu'il avait dans la khutba. Il ne parlait pas dans la khutba comme il parlait en temps normal, hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même les sahaba ont dit, quand il faisait la khutba, il était comme muhadhiru al-jaysh, hein. Il dit, il était comme celui qui parlait, qui s'adressait à son armée, comme un commandant qui s'adresse à une armée avant le combat. Et son visage devenait rouge, hein. Les sahaba ont dit, quand il faisait la khutba du Jumu'ah, le vendredi, son visage devenait rouge, hein, et il s'adressait à eux en disant « Sabbahakum wa massakum ». Donc c'est pour dire qu'il parlait avec de l'énergie, avec de la force. C'est pas juste un discours comme les prêches des prêtres catholiques à l'église, hein. C'est pour ça qu'il y en a des koufars, parfois ils viennent dans les mosquées alors que l'imam est en train de faire une khutba, et ils voient le ton de l'imam qui est, hein, un ton ferme et fort et dur parfois, et énergétique, et eux ils prennent ça, ils disent, regardez cet imam, comment il crie et tout, alors que c'est le contexte, et c'est la façon de faire la khutba qui est l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors que lorsqu'on donne un dars, là c'est un autre ton, et on explique, on clarifie, on élabore. Donc, des fois il y a des frères, Allah musta'an, ils critiquent certaines personnes qui font la khutba parce que, par exemple, ils vont dire, ah, mais il n'a pas tout expliqué dans la khutba. Mais le temps de la khutba, c'est pas comme on ne peut pas parler comme on veut, on ne peut pas expliquer tous les détails, parce que la khutba, c'est une khutba, c'est pas comme un dars. D'accord? C'est bref, et puis, yani, le prophète Sassan, il la faisait courte. Et le but, c'est de rappeler les croyants, hein, de leur faire comprendre, de leur faire rappeler de certaines choses qu'ils peuvent oublier. Donc c'est ça le bienfait de la khutba. En tout cas, tout ça c'est pour dire que il faut pas se laisser tromper par ceux qui nous disent comme ça, il faut faire le rapprochement avec les autres religions, puis tout ça, ils sont ouverts, ils nous dialoguent. Tout ça c'est des mensonges, et c'est de la fausseté. Et c'est pas vrai qu'ils sont doux, et c'est pas vrai qu'ils sont pour le rapprochement, et c'est pas vrai qu'ils sont pour le dialogue, et c'est pas vrai qu'ils connaissent l'autre, comme ils prétendent le dire, que nous on comprend les autres, et on veut pas juste connaître, et on veut pas juste être entre nous, on veut comprendre aussi les autres. C'est pas vrai, hein, parce qu'ils sont pas honnêtes envers les chrétiens, ils sont pas honnêtes envers les musulmans non plus, parce qu'ils disent pas aux musulmans la réalité de l'islam, et les bases de l'islam, et le tawhid, hein, et le shirk, qu'est-ce que c'est, et le kufr, qu'est-ce que c'est, et le nifaq, qu'est-ce que c'est, et les principes des bases de l'islam, ils n'expliquent pas aux musulmans, hein. Et quand ils parlent aux kuffar, ils n'expliquent pas non plus les erreurs qu'ils ont dans leur croyance. Ils font juste al-mujamala, comme on appelle, vouloir flatter dans le sens du poil et de faire plaisir aux gens. Donc ça, c'est Ça, c'est l'attitude de ces gens-là. Donc, ils ne sont pas francs et honnêtes. Ils mentent. Ils se basent sur des généralités. Donc, c'est pour ça que c'est important de dire à ces gens-là, comme le cheikh il dit, vous avez menti. Le cheikh il dit, لأن الذي يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بجميع الأنبياء ولم يبقى منه ولم يبقى معه دين وليس تابعا لأحد من الأنبياء فاليهود الآن ليسوا أتباعا لموسى ولا النصارى أتباعا لعيسى لأن فترة الأنبياء انتهت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فالذي يبقى على اليهودية أو النصرانية فإنه كافر لأنه عصى موسى وعصى عيسى وعصى محمدا صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يكون على الحق لأن موسى وعيسى يأمرانه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولم يفعل. Donc le cheikh il dit que le juif et le chrétien, s'il refuse de croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors il a mécru en tous les prophètes. Et il ne lui reste aucune religion. Et il ne suit aucun d'entre les prophètes en réalité. Donc les juifs aujourd'hui, ils ne suivent pas Moïse. Et les chrétiens aujourd'hui, ils ne suivent pas Jésus. Hein? Parce que la période de ces prophètes-là, elle est terminée avec la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui reste chrétien aujourd'hui ou qui reste juif aujourd'hui, alors c'est un kafir, c'est un mécréant. Parce qu'il a désobéi à Moïse, il a désobéi à Jésus et il a désobéi à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pas possible qu'il soit sur la vérité, parce que Moïse et Jésus leur ont ordonné de suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il ne l'a pas fait. Donc ça c'est la preuve que cet individu-là, il a menti. Le cheikh il dit, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة فيقول إنك على خير فتجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة فيقول إنك على خير ثم تجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام فيقول إنك على خير ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام فيقول يا رب أنا السلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام فيقول إنك على خير وبك اليوم آخذ وبك أعطي قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رواه أحمد. Donc l'imam Ahmad il rapporte dans sa musnad selon Abi Huraira radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que les actions vont venir se présenter à Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Donc la prière vient, la salat elle vient, elle dit « Oh Seigneur, je suis la salat ». Alors Allah dit « Tu es sur le bien ». Et la sadaqa se présente à Allah, il dit « Seigneur, je suis la sadaqa, je suis le monde ». Et Allah dit « Tu es dans le bien, tu es sur le bien ». Ensuite, le jeûne vient, se présente à Allah, il dit « Oh Seigneur, je suis le jeûne ». Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit « Tu es sur le bien ». Alors les autres actions viennent et disent « Oh Allah, nous sommes les bonnes actions ». Il se présente à Allah et Allah dit « Vous êtes sur le bien ». Puis l'islam arrive et se présente à Allah. Il dit, ô Seigneur, tu es la paix et je suis l'islam. Anta salam wa ana l'islam. Alors, il dit, tu es sur le bien. Et aujourd'hui, si j'attrape quelqu'un, c'est par toi. Et si je donne à quelqu'un, c'est par toi. Hein? C'est à cause de toi. Donc si je punis quelqu'un, c'est pour toi. Et si je donne à quelqu'un, c'est pour toi. Par rapport à toi. Donc, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ensuite le prophète, il dit que Allah dit dans son livre, celui qui cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, et au jour, dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. D'accord? Donc ça c'est le hadith à ce sujet-là. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. صحيح de l'imam al-Bukhari et également de Muslim qui est un hadith rapporté selon عائشة رضي الله عنها qui dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. Et ça, c'est rapporté par, ici, cette version est rapportée par l'imam Ahmed dans la Musnad, mais il est, comme j'ai dit, rapporté par Al-Bukhari Muslim également. Le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit, « Hadith Abi Huraira, wadihun annahu la yuhtasab inda Allah yawm al-qiyama illa l'islam. » وما عداه من الأديان فهو باطل مردود لا ينفع أصحابه بل يبتغي غير الإسلام بل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فالذين ماتوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهم يتبعون أنبياءهم فهم على الإسلام ولكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فليس الإسلام إلا ما جاء به صلى الله عليه وسلم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الشيخ dit que le hadith de Abi Huraira il est clair, celui qu'on a lu tout à l'heure, il est clair. Et Allah subhanahu wa ta'ala il ne va rien compter au jour de la résurrection excepté l'islam. Tout ce qui est en dehors de l'islam comme fausse religion, ça va être rejeté. Et ça ne va pas profiter à la personne qui l'a pratiqué ou qui l'a appliqué ou qui l'a cru. Et il mentionne le verset, encore une fois, celui qui cherche autre que l'islam comme religion, elle ne sera pas acceptée de lui et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Donc ceux qui sont morts avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont suivi leurs prophètes respectifs avant dans ce cas-là, ceux-là sont sur l'islam. Ceux qui sont venus avant, ceux qui ont suivi un autre prophète et qui sont morts avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ont suivi réellement leurs prophètes, ceux-là sont sur l'islam. Mais après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors là, à partir de ce moment-là, l'islam c'est uniquement ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené. Il n'y a pas d'autre chose que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené qui fait partie de l'islam. Et donc, comme Allah il dit, celui qui cherche autre que l'islam comme religion, il ne sera pas accepté de lui. Les ulama, ils ont expliqué ça. Ils ont dit, à chaque époque, les peuples avaient la shahada à faire comme nous. Mais chacun avait à dire la shahada avec le prophète respectifs qu'ils suivaient. Comme par exemple, si c'était Moussa, il disait « La ilaha illallah » ou « Moussa Rasulullah » et ainsi de suite. Et donc eux, s'ils sont morts à cette époque-là, si les anges leur posent les questions, ils vont être questionnés au sujet de leurs prophètes à eux, non pas les prophètes de ceux qui viennent après. Wallahu a'lam. Ensuite, le cheikh il dit وكذلك حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فإنه يبين أنه لا دين إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن من عمل عملا مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود فالذي يعمل على اليهودية أو يعمل على النصرانية أو يحدث أشياء بدعا من عنده ويعمل بها على أنها قربات وطاعات دون دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه كائنا من كان يهوديا أو نصرانيا أو مبتدعا مسلما. الشيخ يزي de même que le hadith de Aïcha radiyallahu anha, wa alaykum assalam wa rahmatullah, le hadith de Aïcha radiyallahu anha dans lequel le prophète sallam a dit celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. Ça vient clarifier qu'il n'y a pas de religion excepté ce que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené. Et toute action qui est pratiqué par quelqu'un, qui est contraire à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené, ou qui n'a pas été amené par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, alors cette action-là sera rejetée. Donc celui qui pratique le judaïsme, ou qui pratique le christianisme, ou qui invente des nouvelles choses comme ça, de lui-même, hein, des innovations, des bédards, et il pratique ça comme étant des actes de rapprochement et d'adoration à Allah et d'obéissance à Allah sans avoir une preuve du livre d'Allah ou de la sunna du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors ces actions-là et ces pratiques-là seront rejetées. Hein? Elles vont être retournées à celui qui les a faites, peu importe qui il est, que ce soit un juif ou un chrétien ou un musulman innovateur. Hein? Donc, il faut, pour que ses actions soient valables, pour que dans son islam ses actions soient acceptées, il faut que ses actions soient en accord avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça vient confirmer que si le juif ou le chrétien prétend être en train d'adorer Allah, s'il n'a pas fait son adoration selon l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son adoration ne sera pas acceptée. فالإسلام فقط هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فدل على أن الذين لا يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم لا يفلحون أبدا وأنهم خاسرون. Donc le cheikh explique que l'islam c'est seulement ce que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a amené, hein, après la venue du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, il n'y a pas d'autre chose qui s'appelle islam que ça. Hein? Et il mentionne le verset 157 dans Surat Al-A'raf. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Dans lequel Allah dit, et ceux qui suivent le prophète illettrés, qu'ils trouvent mentionnés dans leurs livres qu'ils ont avec eux, dans l'Injil et dans la Torah et dans l'Injil. Il leur ordonne le bien et leur interdit le mal et il leur rend licite les bonnes choses et il leur interdit les choses mauvaises et il leur enlève les chaînes et les carcans qui étaient sur eux. Donc, ceux qui ont cru en lui et qui l'ont défendu et qui l'ont supporté et qui ont suivi la lumière qui est descendue avec lui, alors ceux-là seront ceux qui auront le succès. Donc ça c'est la preuve, hein, que ceux qui ne suivent pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'auront jamais le succès et qu'ils seront parmi les perdants. Donc ça c'est très important de le comprendre. Ensuite le cheikh il dit, wa alaykum salam wa rahmatullah. Ensuite le cheikh il dit, باب وجوب الاستغناء بمتابعته صلى الله عليه وسلم على عن كل ما سواه. C'est-à-dire, ça c'est le chapitre dans lequel on explique que c'est obligatoire de suivre Muhammad صلى الله عليه وسلم lui seul et de se limiter à le suivre lui seul en dehors de toute autre personne, hein, parmi les hommes. Et le cheikh il mentionne à ce sujet-là plusieurs versets et hadiths. Donc il mentionne il mentionne comme verset la parole suivante d'Allah subhanahu wa ta'ala, laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 89 dans surat An-Nahl, قول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. Le cheikh explique dans ce verset, il dit ونزلنا عليك الكتاب أي القرآن والسنة والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم, وهذا فيه أن القرآن كلام الله منزل وليس مخلوقا كما تقوله الجهمية, فهو لم يقل ما خلقنا لك الكتاب بل قال ونزلنا عليك الكتاب يعني القرآن تبيانا لكل شيء, فالله جل وعلا بين فيه الدين الذي يقبله من عباده ولا يقبل منهم سواه, كما أنه بين فيه أيضا الدين الذي لا يقبله تبيانا لكل شيء من أمور الدين وهدى ورحمة لقوم يؤمنون, فهو هدى ورحمة للمؤمنين, أما الذين لا يؤمنون فليس هو رحمة لهم وإنما هو حجة عليهم. الشيخ explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset qu'il a fait descendre sur toi, il s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit on a fait descendre sur toi le livre, on a révélé sur toi le livre, le Coran et la Sunna. Et dans ce verset, Allah s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit donc que ce Coran, c'est la parole d'Allah qui est révélée. Elle n'est pas créée comme le disent les Jahmiyyah. Allah n'a pas dit cette parole ou ce livre qu'on a créé pour toi, ou qu'on a créé. Il dit cette parole qu'on a révélée, qu'on a fait descendre. Ce livre qu'on a fait descendre, c'est-à-dire le Coran. C'est bien un des kulishay. Il vient clarifier toute chose. C'est un livre qu'on a révélé sur toi pour clarifier toute chose. Et donc, le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a clarifié la religion dans ce livre. Il a clarifié la religion et il ne va pas accepter autre religion que cette religion-là de la part de ses serviteurs. Comme il l'a clarifié également. Il a dit كما أنه بين فيه أيضا الدين الذي لا يقبله. C'est-à-dire, il a également clarifié la religion qu'il ne va pas accepter, c'est-à-dire toutes les autres religions en dehors de l'islam. تبيانا لكل شيء. Dans le but de clarifier toutes choses. Toutes choses parmi les affaires de la religion. Et c'est une guidance, une miséricorde pour les croyants. Une guidance et une miséricorde pour les croyants. Mais ceux qui ne sont pas croyants et qui n'y croient pas, ce n'est pas une miséricorde pour eux, mais c'est une preuve contre eux. C'est une preuve contre eux. Après, le cheikh il mentionne un hadith qui est rapporté par l'imam al-Nasa'i. Il dit « Rawa al-Nasa'i wa ghayruhu an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu ra'a fi yadi Umar ibn al-Khattab waraqatan min al-Tawrah. Faqal, amutahawikuna ya ibn al-Khattab, laqad ji'tukum لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. للشيخ il explique, il mentionne ce hadith qui est rapporté par l'imam An-Nasa'i et d'autres également, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu des pages de la Torah dans la main de Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Alors il lui a dit, oh Omar ibn Khattab, qu'est-ce que tu fais avec ces pages dans tes mains? Sache que je t'ai ramené cette religion claire et pure. Et que Moïse, s'il vivait aujourd'hui et que vous le suiviez, et que vous m'abandonniez, alors vous seriez égaré. Et dans une autre narration, il dit, sache que si Moïse était vivant aujourd'hui, il n'aurait d'autre choix que de me suivre. Et Omar, radiallahu anhu, a répondu en disant, je suis satisfait d'Allah comme mon Seigneur, de l'Islam comme ma religion, et de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, comme mon prophète. Le Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit, صلى الله عليه وسلم لأمته لو كان موسى عليه السلام حيا واتبعتموه مع أنه رسول الله وكليمه ولكن فترته انتهت عليه الصلاة والسلام فلو اتبعتموه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لضللتم سبحان الله يضلون وهم متبعون رسولا نعم لأن هذا الرسول قد انتهت فترته وجاءت فترة رسول آخر وهو محمد صلى الله عليه وسلم فالإنسان يدور مع الله عز وجل حيثما كان فالله عز وجل نسخ الشرائع السابقة بشريعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيجب العمل بالناسخ ولا يجوز العمل بالمنسوخ فلو أن واحدا الآن صلى إلى بيت المقدس وقال بيت المقدس قبلة والكعبة قبلة كلها مساجد فإننا نقول له صلاتك هذه باطلة لا تصح لأن استقبال بيت المقدس نسخ وأمرت باستقبال الكعبة فعليك أن تدور مع أمر الله ولا تدور مع هواك فإن الشيء إذا نسخ لا يجوز العمل به donc le cheikh il explique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit à sa umma que si Moïse alayhi salam était vivant et qu'on le suivait aujourd'hui malgré que c'est un messager d'Allah et malgré que Allah lui a adressé la parole il lui a parlé malgré ça sa période étant donné que sa période est terminée et si on le suivait aujourd'hui après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam on serait égaré subhanallah on serait égaré malgré qu'on est en train de suivre un messager oui pourquoi parce que la période de ce messager là elle est terminée et la période d'un autre prophète un autre messager est venu et c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc un homme il doit suivre l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala peu importe d'où elle vient et peu importe où est-ce que cet ordre là l'amène et les révélations précédentes elles ont été abrogées hein, donc on n'a plus le droit d'agir ou d'appliquer les ordres qui ont été abrogés précédemment on va s'arrêter pour faire l'azan puis après l'azan inshallah on continuera aux messages qui ont été amenés par les messagers précédemment c'est-à-dire avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam on a dit que leur message a été abrogé et donc maintenant on doit appliquer et agir selon qu'est-ce qui est abrogé et ce qui est abrogeant c'est l'islam c'est le Coran, c'est la sunna qu'est-ce qui est abrogé c'est les livres précédents comme la Torah ou l'Injil et donc le cheikh il donne un exemple et il compare avec la salat si aujourd'hui quelqu'un veut faire la salat et qu'il veut prier par exemple en direction de Baytul Maqdis on va lui dire que sa prière elle n'est pas correcte, elle n'est pas valable. Pourquoi? Parce que cette direction ou cette qibla, elle a été abrogée, et maintenant la qibla c'est la Kaaba. Hein? Et donc, si tu prierais devant l'autre qibla, c'est-à-dire la Baytul Maqdis, ta prière ne serait pas valable. Et donc, tu dois suivre l'ordre d'Allah, peu importe où l'ordre d'Allah t'amène, et tu ne dois pas suivre ta passion. Hein, et tu ne dois pas suivre quelque chose lorsque cette chose-là, elle a été abrogée. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera, Inch'Allah, la suite de l'explication du Cheikh Al-Fawzan demain, bi'ithnillah. Donc, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته